On accueille maintenant Raymond Poirier, le chroniqueur des affaires numériques. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors aujourd'hui, enfin cette semaine, tu portes un regard sur les conséquences des sites de rencontres sur le tissu social. Exactement, un sujet peut-être un peu plus léger que celui des dernières semaines et des semaines à venir également, parce qu'il y a quand même des grosses choses qui se brassent au Québec. Il y aura l'annonce, je pense, le 13, demain, de la stratégie numérique du gouvernement du Québec. Donc ça va être évidemment à surveiller de manière très, très proxy. Mais je me suis dit, avant de se lancer dans des enjeux et dans des sujets plus denses, allons-y avec un sujet peut-être un peu plus léger. Donc comme tu disais, les sites de rencontres, quel impact aurait-il pu avoir sur l'évolution du tissu social? Alors évidemment, faut se reporter peut-être un peu dans l'histoire. Si on remonte, je pense en 1995, il y a eu Match.com qui s'est mis en ligne à peu près en même temps, dans le fond, qu'Internet devenait accessible de manière un peu plus large. En l'an 2000, il a commencé à avoir une certaine popularité, si on peut dire, plus accentuée des sites de rencontres, et ça a explosé en 2014 avec l'arrivée de l'application Tinder qui... présentement, là, au moment où on se parle, pour c'est très populaire, en fait, autant chez les hétérosexuels que chez les homosexuels. C'est la principale façon chez les seconds de se rencontrer, et l'une des principales chez les premiers. On parle d'à peu près, 50 millions de personnes qui sont là-dessus. Il y a 12 millions de matchs, entre guillemets, qui sont faits par jour. Par jour. Donc c'est très gros, ça roule beaucoup. Évidemment tout ça n'a pas nécessairement les 12 millions ne découle pas vers des relations, on s'entend, mais donc ça montre que c'est très gros. Et à l'époque, en fait, j'ai presque envie de dire à mon époque, parce que quand je regarde des nouvelles manières de faire, je me sens toujours un peu dépassé, un peu en retard aussi. Donc la façon dont on se rencontrait était beaucoup liée à la théorie des réseaux, si on peut dire. Donc, essentiellement, on rencontre des gens qui sont dans notre réseau élargi. Donc, on a des réseaux au travail, on a des réseaux amicaux, etc., des réseaux dans les institutions, donc à l'intérieur de notre communauté. Et donc, généralement, il y a aussi un contexte un peu géographique, si on peut dire, à ces réseaux-là. Un contexte qui était beaucoup plus accentué à l'époque où les communications étaient peut-être un peu moins ouvertes. Il est évidemment un peu moins aujourd'hui. Et donc, c'était à l'intérieur de ces réseaux-là qu'on allait rencontrer les gens, mais pas dans nos réseaux immédiats. Donc, c'était relativement rare qu'on allait marier un de nos meilleurs amis ou un proche collègue de travail. Mais par contre, l'ami d'un meilleur ami, l'ami d'un collègue de travail, là, subitement, ça devenait la zone du possible. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait essentiellement donc le réseau d'un ami qui rentre en contact avec notre réseau. Et à l'interstice des deux, il y avait des gens, c'est ces gens-là, donc, avec qui on rentrait souvent en relation. Évidemment, ça venait renforcer des liens entre les réseaux, et ça venait renforcer aussi tranquillement le tissu social, donc en créant des petits cercles et des liens entre justement ces différents cercles-là. Et c'est un peu comme ça qu'on en arrivait à l'époque à avoir un tissu social qui était, sans nécessairement dire qu'il était fort, mais qui était bien présent, qui avait sa force à lui. Évidemment, avec les réseaux sociaux, avec les rencontres sur Internet, les rencontres en ligne, c'est venu tranquillement changer. Et il y a deux chercheurs, en fait, qui ont livré un travail quand même assez intéressant sur lequel je suis tombé cette semaine. C'est Josué Ortega de l'Université d'Essex au Royaume-Uni et Philippe Ergovitch de l'Université de Vienne en Autriche, qui eux sont intéressés, en fait, s'intéressaient à la théorie des réseaux et se sont dit, maintenant, si on prend les modèles qu'on utilisait donc pour évaluer justement la teneur des réseaux sociaux à l'époque, et si on les applique avec les paramètres d'aujourd'hui? Donc, ça veut dire qu'avec les réseaux, les rencontres en ligne, subitement, on perd un peu le contexte géographique, on perd un peu le contexte de lien entre les réseaux. Et donc, ce qui fait qu'on va créer, on va intégrer, dans le fond, une notion de hasard à l'intérieur des relations qu'on va essayer de placer entre les personnes. Donc, on va générer du hasard en faisant ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont commencé à faire des observations théoriques qui, par la suite, ont été les valider ou les vérifier avec des informations plus pratiques, si on peut dire. Et les informations théoriques les amenaient vers deux hypothèses. La première disait qu'il allait avoir une refonte, si on peut dire, du tissu social qui allait peut-être mener vers une résurgence ou une augmentation des mariages non mixtes, en fait. Donc, entre personnes de différentes couleurs de peau, de différentes races, etc., etc. Et parallèlement, il y avait l'impression également que les liens qui étaient créés un peu au hasard, si on peut dire, entre différents individus, allait être peut-être un peu plus fort que des liens qui étaient créés auparavant, simplement par voisinage, si on peut dire. Parce que, dans le fond, la rencontre ne se fait pas sur les mêmes bases. Quand on rencontre un inconnu, ben, il y a plus, justement, la zone d'intérêt du réseau social commun, si on peut dire. Alors, donc, il faut aller chercher d'autres types d'intérêts, d'autres types de liens pour expliquer cette relation. Et donc, ce qui fait que, ben, généralement, donc, on identifiait ces liens-là comme étant un peu plus forts. Et là, ils ont été validés l'hypothèse avec, justement, la réalité. Ils ont remarqué, par exemple, que dans les années 1995, il y avait eu une petite montée des mariages mixtes, que dans les années 2000, subitement, la courbe commençait tranquillement à être peut-être un peu plus massive, un peu plus imposante. Et dans le fond, l'effet de courbe ne diminuait pas par la suite. Donc, après les années 2000, ben, on était dans un effet de courbe à la hausse et ça restait ainsi. Et en 2014, il y a eu un pic. Un pic? Un premier pic. Et là, oups, on a commencé à monter de manière un peu plus rapide, peut-être, à partir donc de 2014. Et vous vous rappelez, donc, on parlait de Match.com en 95, de la popularité des réseaux de rencontres en ligne en 2000 qui a augmenté, et en 2014, l'apparition de Tinder. Donc, on se retrouve avec donc une situation où, bon, évidemment, ça reste contextuel. Donc, on peut pas dire qu'il y a une corrélation directe entre les deux. Mais on peut observer qu'il y a des tendances parallèles qui se font. Donc, qui peuvent nous amener à imaginer que sur ce plan, sur le plan social, eh ben, les sites de rencontres en ligne favorisent donc tranquillement les mariages mixtes au niveau des sites de rencontres et le reste. Et donc, évidemment, ça veut dire que au niveau tranquillement de l'évolution sociale, exemple aux États-Unis, eh ben on va avoir de plus en plus donc de mariages mixtes, ça veut dire de plus en plus d'enfants qui sont entre deux races, entre deux couleurs de peau et le reste. Donc tranquillement, peut-être que ça va amener dans le fond un plus grand métissage exactement, qui aurait pas été possible sans justement la part des réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant d'un premier plan. Et donc, du deuxième, effectivement, c'est aussi observable que, ben, selon la force des mariages, on peut dire, ben, que, effectivement, donc, semble-t-il, selon les statistiques, que les gens qui disent s'être rencontrés en ligne, sont plus longtemps en couple avec leur partenaire que les gens qui ne se sont pas rencontrés en ligne. Donc, encore là, ça peut être simplement des coïncidences, mais en même temps, semble-t-il que la deuxième partie de cette hypothèse-là était avalisée. Alors, c'est intéressant, évidemment, de regarder ça et de voir ben, quelle évolution ça pourra amener, parce qu'on est en train de changer, évidemment, la dynamique par laquelle on rencontre les gens. On est en train de changer la norme, également, par laquelle on rencontre les gens. Parce il n'y a pas si longtemps, c'était quand même considéré... Enfin, les gens avaient un peu de... Est-ce qu'on pourrait dire un peu de honte? Mais en fait, c'était pas l'histoire cute qu'on voulait raconter. En fait, on jalousait peut-être un peu les personnes qui s'étaient rencontrées de manière plus facile, plus traditionnelle, si on peut dire. Aujourd'hui, c'est rendu la norme de dire « j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder, il n'y a plus de honte », comme tu disais, avec ça, c'est juste normal. Donc, tranquillement, ben, comme ça devient de plus en plus normal et comme il y a beaucoup de gens qui le font, ben, évidemment, ça va devenir la norme. C'est la méthode standard désormais d'aller rencontrer des gens, c'est avec les réseaux en ligne. Donc, on va lancer ces liens-là, ces perches-là, complètement au hasard. Et ça change complètement, dans le fond, la nature par laquelle notre société est en train de se bâtir. Mais ça la change pas pour le pire. Ça la change pour quelque chose d'autre, qui peut-être être mieux ou non, on verra évidemment, mais c'est dire à quel point, dans le fond, quelque chose qui pourrait paraître un peu anecdotique ou simplement lié aux relations humaines, donc simplement dans la manière d'entrer en contact, ben quand on creuse un peu, quand on gratte un brin, on peut se rendre compte que ça a des changements qui sont beaucoup plus en profondeur. Ouais. Parce qu'on est quand même en train de parler d'un métissage social qui pourra peut-être être important, qui va amener notre société complètement ailleurs, aussi sur certains débats ou enjeux. On peut imaginer, on peut anticiper beaucoup de choses avec des changements comme ça. Et également, simplement sur dans la notion justement de la... même à la limite de la cohésion sociale elle-même, si on lance des liens entre réseaux un peu par hasard comme ça, eh ben ça crée des nouveaux réseaux, ça crée des nouveaux points de contact, ça crée des nouveaux points d'ancrage, et peut-être qu'éventuellement, on va en arriver avec un tissu social qui a plus de liens que ce qu'il y en avait auparavant, quand on était relégué peut-être un peu plus à des notions de voisinage et de proximité, que ce soit professionnel ou amical ou géographique, si on peut dire, pour créer ce type de lien entre justement les petits réseaux. C'est un phénomène qui va être certainement très intéressant à observer dans les 20 prochaines années. Exact. Particulièrement au Québec, où on a quand même un bon influx de gens de l'extérieur qui viennent s'installer dans les communautés. Là. Oui, mais enfin, je pense que le Québec, le Canada, l'Europe, les États-Unis aussi, évidemment, ça va être vraiment à surveiller. Ça va être intéressant de voir comment ça va progresser. Et je pense qu'on peut, anticiper, on peut imaginer maintenant des choses, mais ça amène une base qui est quand même assez stimulante, peut-être de réflexion, là, pour voir un peu comment ça va progresser tout ça. Là. Certainement. Ben, merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir. Alors, Raymond Poirier, chroniqueur des affaires numériques.